Le Grand Oral. La rédaction du Grand Oral, deuxième partie, la disposition. Il y a des paroles qui ont des idées et pourtant ne vont nulle part. Il y a des paroles qui ont du souffle et pourtant s'égarent. Il y a des paroles qui commencent comme des promesses et finissent comme des meubles en kit monté sans notice. Pourquoi ? Parce qu'une parole ne vaut pas seulement par ce qu'elle dit, elle vaut aussi par l'ordre dans lequel elle le dit. C'est cela, la disposition. La disposition, c'est l'art d'organiser votre discours, non pas pour faire joli, non pas pour satisfaire quelque fétichisme scolaire du plan, qu'il soit apparent ou pas, mais pour conduire un auditoire d'un point à un autre sans le perdre en route. Et au grand oral, vous n'écrivez pas une copie, vous construisez un chemin. Petite précision tout de même, pour que les choses soient claires. Dans la rhétorique classique, le discours comporte souvent davantage d'étapes que celles que nous allons utiliser ici. Je prends des libertés. Des libertés simplificatrices. Vous n'avez pas de temps dédié à la préparation de ce grand oral. Vous êtes des marcheurs pressés. Alors autant aller en ligne droite et faire le chemin en quatre étapes. L'exorde, la narration, la confirmation et la péroraison. Quatre moments inégaux, quatre moments différents, quatre moments qui n'ont pas la même fonction, ni le même ton, ni la même intensité. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de parler 10 minutes, il s'agit d'emmener votre jury quelque part. Le premier moment du discours, il est essentiel, c'est l'exorde. Un mot un peu sévère, j'en conviens, mais une idée très simple, c'est votre entrée. Et une entrée, comme dans la vie mondaine, amoureuse ou judiciaire, compte énormément. L'exorde sert à attirer la bienveillance de l'auditoire. Il sert aussi à exposer le sujet, parfois même à faire comprendre déjà dans quelle direction vous allez partir. Mais surtout, l'exorde sert à empêcher l'indifférence. Empêcher l'indifférence. Votre première phrase est donc essentielle, ou vos premières phrases. Il faut qu'elles intriguent. Qu'elles étonnent, qu'elles frappent, qu'elles amusent, qu'elles bousculent, qu'elles attendent un instant avant de livrer tout son sens. En somme, il faut qu'elles donnent envie d'écouter la suite. Je vous donne ici un exemple conservé tel quel de Léo, qui s'amuse désormais à faire des concours d'éloquence à la fac de droit. Léo, le rap et les classes sociales. 770 000. C'est le nombre de ventes totales de Jul en 2020. Vous connaissez Jul? Bon, vous, peut-être. Mais je suis presque sûr que la majorité des enseignants me répondraient non si je leur posais la question. Ils ont pu entendre le nom, Jul, mais quant à savoir ce qu'ils chantent... Et en réalité, si vous me répondiez non, ce serait sans doute parce que ce style musical ne correspond pas à celui de votre habitus de professeur. L'habitus, nous dit Bourdieu, est le système de préférence, de style de vie particulier à chacun. Bon, particulier, pas tant que cela. L'habitus, ajoute Bourdieu, varie d'une classe sociale à une autre. Alors le rap, pour des professeurs. En fait, c'est ce dont j'aimerais que l'on discute aujourd'hui. Pas simplement des professeurs et de leurs goûts musicaux, je vous rassure. Mais j'aimerais que l'on s'interroge sur le lien entre le hip-hop ou le rap et la classe sociale. Le rap, le R&B, le hip-hop sont-ils des reflets de l'existence de classe sociale dans notre société française, ou bien est-ce simplement une vue de mon esprit? Voilà. Voyez comment cela procède. On commence par un chiffre, puis on provoque une réaction, puis on installe un léger décalage entre l'univers de Jul et celui des enseignants, puis on fait entrer Bourdieu, puis enfin on annonce la vraie question. Ce n'est pas une introduction scolaire, c'est une prise. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus frontal, de Salma. Elle aussi est partie en droit. Salma et la domination masculine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une femme. Je suis une femme et à ce titre, et comme la majorité des femmes françaises, la très grande majorité des femmes françaises même, je subis une domination masculine. Ici, l'entrée fonctionne parce qu'elle pose un fait apparemment évident, puis le transforme en point de départ polémique. Le jury est déjà sollicité, il ne peut pas rester simple spectateur. Retenez donc ceci, un bon exorde n'est pas là pour meubler, il est là pour ouvrir le terrain, installer votre présence et préparer le mouvement du discours. Deuxième moment, la narration. Le mot peut tromper, Il ne s'agit pas forcément d'un grand récit avec clair de lune, cheval mourant et vent dans les rideaux. La narration ici, c'est la partie où vous exposez les faits sous forme de récit, ou du moins où vous racontez ce qui vous a conduit à la question. C'est une étape capitale, car on adhère plus facilement à une idée quand on comprend d'où elle vient. C'est important. Le récit donne une origine au problème. Il donne aussi une nécessité affective à votre question. Et les auditeurs aiment les histoires. Les politiques le savent, les écrivains le savent, les scientifiques eux-mêmes, quand ils racontent comment un problème leur est apparu, le savent très bien aussi. Voici l'exemple d'Oriane, conservée telle qu'elle. Je crois qu'elle est partie en psycho, mais j'ai un doute. J'ai laissé l'exorde et j'ai ajouté la narration. C'est sur l'effet golem, c'est un sujet de SES HLP. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de la parole. En effet, on a tous déjà dit quelque chose à quelqu'un sans vraiment prendre conscience de l'impact de nos mots sur cette personne. Et l'inverse est aussi vrai. Vous tous, ici, et moi aussi évidemment, avons souffert à un moment donné, peut-être plusieurs fois même, d'une remarque lancée, consciemment ou pas d'ailleurs, à notre rencontre. Ça c'est la fin de l'exorde. Laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire ne me concerne pas directement, elle parle de mon ami d'enfance. On va l'appeler Ludo. Ludo est un garçon, tout ce qu'il y a de plus banal. Il aime le foot, les consoles, il aime jouer avec ses amis, il aime faire des bêtises parfois. En fait, il aime beaucoup de choses, mais il y en a une qu'il déteste, l'école. Et quand on n'aime pas l'école, on n'a pas le bon comportement à l'école. Alors forcément, les professeurs en retour n'appréciaient pas trop Ludo non plus. C'est humain. Mais certains ont parfois eu des propos rabaissants, stigmatisants, violents envers lui. Mes souvenirs de l'école primaire sont plutôt rares, mais je me rappelle très bien de ces sentences de notre maître. « Tu n'arriveras à rien dans la vie, je n'ai pas envie d'apprendre à des élèves comme toi, on perd notre temps avec toi. » Alors je ne sais pas ce que ça fait que d'entendre des mots comme cela de la part de son professeur quand on a à peine 9 ans. On ne m'a jamais dit cela, moi. Mais ce que je sais en revanche, c'est que les remarques du professeur n'ont pas changé positivement son comportement. Mon ami est resté sur la même voie, celle que normalement il ne faudrait pas emprunter, et aujourd'hui il ne va plus à l'école. Il a arrêté en cours avant d'avoir son bac, et il ne travaille pas non plus, il ne fait pas grand-chose de ses journées. J'y pense souvent, et je me dis que si les professeurs avaient adopté un comportement différent, peut-être plus bienveillant, peut-être plus compréhensif, plus adapté, sa trajectoire de vie aurait pu être tout autre. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, bien sûr. La trajectoire d'un enfant ne dépend pas que de ses rapports avec les enseignants, mais je me dis qu'ils sont nombreux les exemples qui montrent qu'un professeur peut avoir un grand pouvoir positif sur la vie de ses élèves. Et cela a un nom en sociologie et psychologie. L'effet Pygmalion. Et je me suis demandé la chose suivante. Si un professeur peut avoir un pouvoir positif, dans quelle mesure peut-il avoir un pouvoir négatif ? Or, ce pouvoir négatif a déjà été étudié, il a un nom lui aussi, c'est l'effet golem, et je vous propose qu'on le détaille un peu. Voilà une narration, un storytelling, voyez à peu près le mécanisme. Le récit rend la question inévitable, ce n'est plus un thème abstrait lancé dans le vide, c'est un problème qui naît d'une expérience racontée. La narration n'a donc pas pour fonction d'être décorative, elle sert à faire comprendre pourquoi votre sujet vous concerne, pourquoi il mérite d'être entendu et pourquoi la suite ne sera pas une simple récitation de cours. Troisième temps, la confirmation. Ici, nous quittons un peu le charme du récit pour entrer dans le moteur intellectuel de l'exposé. La confirmation, c'est la partie où vous présentez vos arguments, vos mécanismes, votre thèse ou votre manière d'expliquer les faits racontés juste avant. C'est souvent le moment le plus académique, le plus terre-à-terre. Le plus risqué aussi parce que c'est là que tant d'élèves, mais pas que, les professeurs aussi quand ils font leurs cours, c'est là donc que les orateurs deviennent subitement des manuels mal reliés. Je le dis de manière plus terre-à-terre, c'est souvent là que ça devient chiant. Et pourtant, cette partie est décisive, car si la narration a capté l'attention, la confirmation doit maintenant mériter cette attention. Voici un exemple conservé tel quel d'une partie de la confirmation de Laura. Et ne me demandez pas ce qu'elle est devenue, je ne le sais plus. Son sujet par contre portait sur l'homogamie et l'endogamie. Voici. Et si on regarde la société actuelle, on remarque que beaucoup de personnes adultes sont en couple avec des individus de même origine sociale qu'eux. C'est l'homogamie, le mariage avec son semblable. En 2011, par exemple, il y avait 79,7% d'agricultrices qui étaient en couple avec des agriculteurs d'après l'INSEE. À titre de comparaison, seulement 2,8% d'agricultrices sortaient avec un cadre. 4 agricultrices sur 5 avec un agriculteur, une agricultrice sur 40 avec un cadre. Et je pourrais continuer comme cela longtemps, avec des statistiques un peu plus faibles, il est vrai. 3 femmes cadres sur 5 avec un homme cadre, 3 femmes ouvrières sur 5 avec un homme ouvrier, etc. Cela peut être dû au lieu de rencontre. Alors, je ne veux pas dire que les agriculteurs se rencontrent dans des champs. En Beauce, en plus, ces surfaces sont tellement grandes qu'ils auraient peu de probabilité de tomber les uns sur les autres. Mais les lieux d'études, de travail, les groupes d'amis sont des lieux de rencontre et de constitution de couples homogames. Même les lieux publics ne sont pas les mêmes selon l'origine sociale. Tout le monde ne va pas à l'opéra et tout le monde n'assiste pas à un concours de tuning. Bien. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la confirmation n'a pas besoin d'être pesante pour être sérieuse. Vous pouvez y mettre des notions, des définitions, des données, des exemples, un peu d'humour même, si cela reste au service de l'idée. Et vous pouvez aussi vous en servir pour préparer la suite, en glissant des notions que le jury aura envie de vous faire préciser pendant les questions. Autrement dit, la confirmation n'est pas seulement la partie où vous démontrez, c'est aussi la partie où vous tendez discrètement quelques perches. Rappelez-vous-en, c'est important. Vous pouvez même y anticiper les contre-arguments, soit pour les évacuer, soit pour les laisser flotter un instant afin que le jury vienne les chercher ensuite. C'est cela qui rend la chose stratégique. Et puis vient la dernière partie. Courte, essentielle, dangereuse aussi parce qu'une mauvaise fin peut affadir un très bon début. La péroraison, c'est la conclusion de votre discours. En théorie, elle synthétise. En pratique, dans un oral de 10 minutes, vous n'aurez pas toujours le temps de refaire calmement le bilan de toute votre argumentation comme un greffier appliqué. Il faut donc souvent faire autre chose. Il faut laisser une impression, une vraie. La péroraison doit pouvoir émouvoir, au beau sens du terme, non pas geindre, non pas manipuler lourdement, mais faire sentir que votre parole arrive quelque part. Ici, il faut très bien gérer le pathos et l'éthos. Je vous donne plusieurs exemples. On va commencer avec Laurine, qui se demandait si la notation était juste socialement. Si vous m'avez écouté, vous avez compris que la notation des professeurs n'est pas forcément juste, socialement parlant. La justice de la notation dépend en effet de la conception de ce que le professeur considère comme juste socialement. Est-il utilitariste, libéral, égalitariste strict ou égalitariste libéral ? Implicitement, la justice de sa notation varie en fonction du type d'égalité qu'il souhaite obtenir, égalité des droits, égalité des chances ou égalité des situations. Mais si j'ai raison, s'il n'existe pas réellement de notation juste, ou s'il est impossible de se mettre d'accord sur une notation juste, alors cela ne signifie-t-il pas que le système scolaire est dans l'erreur ? Ne faudrait-il pas envisager, tout simplement, de supprimer la notation ? Ici, la fin reprend les arguments sans les redévelopper, puis débouche sur une question finale qui ouvre, qui provoque, qui oblige presque l'auditoire à réagir, en tout cas à la garder en tête. Je vous donne un autre exemple proche, celui d'Hélène, qui elle réfléchissait au contrôle social et au mal-être à l'école. En conclusion, l'école est une source de mal-être par son important contrôle social et particulièrement par sa surveillance omniprésente. Et il n'y a pas que cela. La fréquence des évaluations, y compris officielles, la charge de travail à la maison, l'incertitude sur Parcoursup contribuent aussi au mal-être. Moi, j'ai voulu mettre l'accent sur l'entrave à la liberté de nos cerveaux et nos esprits, de notre corps aussi. Ce qui nous entoure dans l'institution scolaire n'est finalement pas sain. Les bâtiments, les profs, contre leur gré et inconsciemment, et peut-être pas tous inconsciemment d'ailleurs, pronotent nos familles une pression et un contrôle social trop forts et qui, selon moi, sont de plus en plus puissants. Mais si l'école est perçue comme une prison par les élèves, s'ils en prennent conscience, ne faut-il pas envisager une conséquence logique ? La mutinerie. Ici, la mise en garde finale crée une sortie plus rude, plus alarmante, plus tendue. Il y a une prise de risque. Seriez-vous prêt à dire à votre jury que les élèves doivent se rebeller ? Mais en réalité, il y a une incarnation du discours qu'attendent les jurés. Un discours qui fait réagir, sans exagération évidemment, est plus rentable qu'un discours convenu, ou pire, morne. Et puis voici un exemple totalement différent de Laura qu'on a déjà cité. Rappelez-vous, elle parlait de la constitution des couples. Enfin bon, revenons à nos moutons. L'origine sociale n'est pas un frein à l'amour comme je me posais la question initialement. L'origine sociale est un frein à l'amour hétérogame. Laissez-moi tout de même mettre un bémol à ma démonstration. Ma mère est cadre et mon père est ouvrier. Ils ont 50 ans et leur couple est stable, j'ai l'impression. Et heureusement qu'il existe de tels exemples, même s'ils sont rares. Un déterminisme absolu rendrait la vie bien triste. Ici, pas de grande ouverture dramatique, quoique. Pas d'avertissement tonitruant, pas d'appel au soulèvement général, mais une conclusion qui nuance, qui répond à la question initiale et qui laisse l'auditoire sur une adhésion possible. Voilà ce qu'il faut comprendre. Une bonne péroraison n'est pas forcément grandiloquente. Elle peut ouvrir, elle peut avertir, elle peut nuancer, elle peut suspendre la pensée dans une question, mais elle doit donner à votre discours sa dernière forme. Si l'on rassemble tout cela, vous obtenez donc un plan très praticable pour l'oral. Exorde, narration, confirmation, péroraison. Ce plan peut vous troubler parce qu'il est moins scolaire, moins universitaire dans son apparence, Moins rassurant pour les amateurs de thèse-antithèse bien repassées. Mais il est souvent plus simple pour gérer un oral. Et surtout, il a un avantage stratégique considérable, il ne développe pas forcément l'antithèse à l'intérieur même de l'exposé. Alors dès lors, qui s'en chargera ? Le jury. Et c'est très bien ainsi. Le jury viendra chercher les objections, il posera les contre-arguments, il vous invitera à nuancer. Vous aurez donc intérêt pendant votre préparation à anticiper ces objections sans forcément les développer complètement dans vos 10 minutes. Cela rend la phase de questions beaucoup plus naturelle alors que, petit Machiavel que vous êtes, vous avez tout planifié. Et il se peut que malgré tout cela, ce plan en 4 temps vous gêne. Très bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une religion. Vous pouvez alors revenir à des organisations plus familières. Par exemple, un plan dialectique, exorde, en guise d'introduction. Thèse, antithèse, péroraison, en guise de conclusion. Ou un plan catalogue, exorde, en guise d'introduction, argument au mécanisme 1, argument au mécanisme 2, argument au mécanisme 3 s'il le faut, puis péroraison, en guise de conclusion. L'essentiel n'est pas de réciter les noms savants en doge imaginaire. L'essentiel est que votre discours soit conduisible. Alors ça ne veut pas se dire ainsi. Il faut que votre discours se tienne, qu'il avance, qu'il respire. Dernier conseil, et je crois qu'ils sont importants. Ne cherchez pas la difficulté. C'est une manie scolaire assez répandue, croire qu'un sujet compliqué est plus noble qu'un sujet simple. Et c'est faux. Un sujet simple, bien tenu, vaut mieux qu'un sujet ambitieux qui s'écroule au premier virage. La complexité, le jury s'en chargera volontiers pendant l'échange. Alors, écoutez-vous écrire, écrivez à voix haute, écoutez-vous parler, enregistrez-vous, puis corrigez, retouchez vos phrases. Car une bonne disposition, au fond, n'est rien d'autre qu'une promesse tenue, celle d'un discours qui emmène son auditeur jusqu'au bout, sans le perdre, ni l'ennuyer.